Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous décrire la recette de la crème aux pommes et au céleri. Préparation, 30 minutes, cuisson, 40 minutes, portion 6. Ingrédients. 3 cuillères à table ou 45 g de beurre, 2 poireaux ou oignons émincés, 4 grosses pommes pelées, épépinées et hachées, 2 tasses ou 500 ml de céleri finement haché, 2 pommes de terre pelées et coupées en dés, six tasses ou 1,5 litre de bouillon de poulet. Une pincée de muscade moulue, sel et poivre au goût. Préparation. Numéro 1. Dans une casserole, faire fondre à feu doux le beurre. Numéro 2. Ajouter les poireaux ou les oignons, couvrir et faire cuire 5 minutes. Étape numéro 3. Ajouter les pommes hachées et le céleri. Faire cuire 5 minutes en remuant. Numéro 4. Incorporer les pommes de terre, le bouillon de poulet et la muscade. Salez et poivrez à votre goût. Étape numéro 5. Portez à ébullition, couvrir et laisser mijoter 30 minutes. Numéro 6. Réduire en purée au mélangeur électrique. Voilà, c'est tout pour cette recette toute simple. Bon appétit à tous et à bientôt.